الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous allons commencer aujourd'hui la lecture et l'explication du livre intitulé فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة, qui est l'œuvre du grand savant Hanbali, Abu al-Wafa Ali ibn Aqil, rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans le cours dernier une introduction sur les mérites du bon comportement et l'importance d'apprendre les politesses, les bonnes manières pour le musulman. Et nous avons vu également une biographie concise de l'auteur de ce livre. Nous allons donc directement commencer la lecture aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et comme d'habitude, je vais tout d'abord lire le livre en langue arabe, puis en faire une traduction approximative et rapprochée, et en donner quelques explications, inshallah ta'ala. On trouve donc au début de cet ouvrage, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi yassir wa la tu'assir. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, « Ô mon Seigneur, facilite et ne rend pas les choses difficiles. » C'est-à-dire, facilite-nous le bien, facilite-nous les causes du bien et ne nous empêche pas d'accomplir le bien en nous privant de ses causes ou en nous exposant aux causes menant au mal. Ensuite, il est dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Et qu'Allah couvre d'éloges Muhammad, le dernier des prophètes, et le guide, l'imam des vertueux, ainsi que sa famille ou tous ses suiveurs sur sa religion, et l'ensemble de ses compagnons. Qu'Allah les couvre d'éloges et leur accorde un salut abondant jusqu'au jour de la rétribution. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. Ceci est une courte épître réunissant des chapitres sur les politesses et les nobles caractères, les nobles comportements légiférer. Légiférer, c'est-à-dire dans le Coran et la Sunna. Ta'lif al-Shaykh al-Imam al-Qudwa Abi al-Wafa ibn Aqil rahimahullah ta'ala, qui est donc l'œuvre du Shaykh l'Imam al-Qudwa Abu al-Wafa ibn Aqil, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit Faslun, chapitre. Et dans ce chapitre, il va mentionner les politesses liées au salam, aux salutations. Donc, as-salam, dans la langue arabe, il signifie la paix ou le salut. Et religieusement, as-salam, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui signifie qu'il est celui exempt de tout défaut et tout manquement. Et as-salam, c'est un mot aussi employé religieusement pour désigner les salutations. Et son sens est la demande du salut, de la préservation pour celui à qui on adresse As-Salam. Donc, lorsque tu dis As-Salam wa alaykum, tu mentionnes ce nom d'Allah et également tu demandes le salut et la préservation pour celui à qui tu adresses cette salutation. Et les mérites du Salam, ils sont très nombreux. Et ils sont venus dans de nombreux textes du Coran et de la sunnah. Et on peut mentionner à titre d'exemple le fait que le salam est la salutation des anges aux gens du paradis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, wal mala'ikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli bab. Et les anges entreront auprès d'eux de toutes portes. Ils diront salamun 'alaykum bima sabartum. Que le salut soit sur vous en raison de votre patience, de ce sur quoi vous avez patienté. Également parmi les mérites du salam, il y a le fait que c'est une cause d'amour mutuel entre les musulmans, d'augmentation de la foi et d'entrée au paradis. En effet, il est rapporté dans le hadith authentique, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous ne vous aimerez pas mutuellement. » Ne vais-je pas vous indiquer une chose qui, si vous la mettez en pratique, vous vous aimerez les uns les autres. Répandez as-salam entre vous. Répandez as-salam entre vous. Donc, le fait de se saluer les uns les autres en se disant « Assalamu alaikum », c'est une cause de concorde et d'amour mutuel entre les musulmans. Et cet amour mutuel va être une cause d'augmentation et de perfection de la foi. Et la perfection de la foi nous mènera, incha'Allah ta'ala, au paradis. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer ainsi que vous parmi les gens du paradis. Ceci sont donc quelques mérites du salam qui sont venus dans les textes, et les mérites sont nombreux. Et on va voir, incha'Allah ta'ala, à travers notre lecture, d'autres hadiths à ce sujet. Donc l'auteur, rahimahullah, il va nous mentionner ici, de manière concise, l'essentiel des règles et des politesses liées aux salutations. Il commence en disant « As-salamu al-mubtada'u yakunu min al-mashi ala al-qa'id wa min al-raakibi ala al-mashi wal-jalis » Celui qui commence à passer as-salam, c'est-à-dire le premier à adresser as-salam, il a lieu dans cet ordre, de celui qui marche à celui qui est assis. Donc, si tu es en train de marcher et que tu croises quelqu'un qui est assis, il convient que tu commences à lui passer as-salam. Et également, de celui qui est sur une monture à celui qui marche ou qui est assis. Si par exemple, tu es en voiture, ou en moto ou autre, et que tu croises un musulman qui marche ou qui est assis. Il convient que ce soit toi qui commences à lui passer as-salam. Et de la même manière, il convient que le jeune commence à passer as-salam à celui qui est plus âgé. Et le petit groupe au grand groupe. Donc si un jeune croise une personne qui est plus âgée que lui, il convient que ce soit lui qui commence à lui passer as-salam. Et qu'il n'attende pas que la personne âgée soit elle la première à lui passer as-salam. Et de la même manière, si nous sommes un petit groupe et que l'on croise un groupe de musulmans plus nombreux, alors il convient que le petit groupe adresse as-salam au groupe qui est plus nombreux. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yusallimu s-sagiru ala al-kabir, wal-marru ala al-qa'id, wal-qalilu ala al-kathir. » Le petit adresse as-salam au grand, c'est-à-dire le jeune à celui qui est plus âgé, ou l'enfant à l'adulte, celui qui passe à celui qui est assis, c'est-à-dire celui qui est en train de marcher, il adresse as-salam à celui qui est assis, et le petit groupe au grand groupe. Et dans une autre narration de ce hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yusallimu al-raakibu ala al-mashi, wal-mashi ala al-qa'id. » Al-raakib, celui qui est sur une monture, sur un moyen de transport, il adresse as-salam à celui qui marche, et celui qui marche à celui qui est assis. Donc tout cela est ce qui est recommandé. Il est recommandé d'adresser le salam dans l'ordre que l'on vient de mentionner. Et celui qui se trouve dans une situation où il lui est recommandé de commencer à adresser à salam, alors il doit s'empresser vers cela et ne pas perdre cette opportunité de faire le bien. Et si les gens s'adressent les salutations de manière inverse, que une personne plus âgée adresse à salam à une personne plus jeune, ou qu'un grand groupe passe as-salam à un petit groupe, ou que celui qui est assis, ce soit lui qui adresse le salam à celui qui marche, et ainsi de suite. Alors, il n'y a pas de gêne en cela, incha'Allah ta'ala, car ils sont tous concernés par l'ordre de répondre as-salam. Toutefois, respectez l'ordre qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ce qu'il y a de meilleur, de plus complet et de plus méritoire. Afin de mettre en pratique l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se conformer ainsi à sa sunnah et d'augmenter, incha'Allah ta'ala, en termes de récompense. Et tout ce que l'on vient de mentionner concerne les musulmans qui se croisent, c'est-à-dire deux personnes qui se croisent dans la rue par exemple, ou un autre endroit. Mais dans le cas où une personne arrive dans un lieu où l'autre est déjà présent, comme une personne qui entre dans une maison, une personne qui entre dans une salle de classe ou de travail ou autre, une personne qui entre dans un commerce, alors dans ce cas-là, c'est celui qui arrive qui commencera à adresser As-Salam. Qu'il soit plus jeune ou plus vieux que celui déjà présent, qu'il soit plus nombreux ou moins nombreux que les gens déjà présents, ceux qui arrivent ou celui qui arrive commence par adresser As-Salam. Enfin, une question se pose, qu'en est-il s'ils sont dans une situation similaire? Deux personnes qui marchent se croisent, deux personnes sur une monture se croisent, deux personnes du même âge se croisent, deux groupes d'un même nombre se croisent, et ainsi de suite. Comment doivent-ils agir dans cette situation? Ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, a dit, si les deux personnes qui se rencontrent sont dans une situation similaire, à l'exemple de deux personnes sur une monture ou deux personnes qui marchent, alors il aurait tout de ordonné de commencer par adresser As-Salam. Et le meilleur d'entre eux est celui qui commence par adresser As-Salam, et ce afin de se conformer à la sunnah et d'obtenir les mérites qui découlent de cela. En effet, le fait de veiller et de s'appliquer à commencer par adresser As-Salam est une preuve de l'importance donnée aux politesses, au comportement de notre législation. Et c'est une preuve également de la pureté, de l'intention et du désir d'obtenir la rétribution. Fin de citation de la parole d'Ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala. Donc si deux personnes se croisent, le meilleur d'entre eux, lorsqu'ils sont dans la même situation, c'est celui qui commencera par adresser As-Salam. Cela montre qu'il veut le bien, cela montre qu'il est attaché à cette sunna et qu'il cherche à se soumettre à cet ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Afshu salam bainakum » et « Répandez as-salam entre vous ». Donc il ne convient pas de négliger cet ordre, barakallahu fikum. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le jugement du fait de commencer à adresser les salutations. Et il a dit « Waliptida'u bihi sunnah » et le fait de commencer à adresser les salutations est une sunnah. Cela signifie que cela n'est pas une obligation, mais c'est une chose recommandée, en raison de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que l'on vient de mentionner. Afshu salam bainakum. Répandez as-salam entre vous. Et les gens de science ont mentionné que cela n'est pas obligatoire en raison de la gêne et de la difficulté qu'il y aurait à adresser systématiquement les salutations. En effet, si le musulman devait saluer chaque personne qu'il croisait constamment, alors ceci serait pour lui une gêne et une chose difficile à accomplir. Mais cela est une sunna qu'il ne faut pas pour autant délaisser et qu'il convient de mettre en pratique autant que possible en fonction des situations. Et commencer à adresser As-Salam, c'est une sunna pour tout musulman. Mais s'il se trouve dans un groupe, alors si une seule personne du groupe adresse les salutations, cela est suffisant, incha'Allah ta'ala. Et c'est à cela qu'a fait allusion l'auteur, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit ensuite « وَإِذَا سَلَّمَ الْوَاحِدُ مِنَ الْجَمَاعَ الْمُشَى أَوِ الرُّكَابَ أَجْزَأَ عَنِ الْجَمَاعَ » Et si une personne d'un groupe de marcheurs ou de personnes en monture, comme des personnes dans une voiture par exemple, adresse les salutations, alors ceci suffit pour tout le groupe. Si par exemple, nous sommes dans une voiture et que l'on croise un musulman en train de marcher et qu'une personne dans la voiture adresse As-Salam à ce musulman qui marche, alors ceci suffit pour tous les passagers de cette voiture. La preuve à ce sujet est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith « يُجْزِيُ عَنِ الْجَمَاعَ إِذَا مَرُّ أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِيُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ » Il suffit pour le groupe lorsqu'il passe que l'un d'entre eux salue, que l'un d'entre eux adresse un salam. Et il suffit pour ceux qui sont assis que l'un d'entre eux réponde. Cela est donc suffisant. Et le mieux et le plus méritoire est que chacun adresse les salutations. Afin de mettre en pratique le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a ordonné de répondre as-salam. Donc répondre le salam fait partie des choses vivement recommandées dans notre religion et qui font partie des politesses desquelles doit se parer le musulman. Toutefois, il est à souligner que dans certaines situations, il se peut qu'adresser as-salam, qu'adresser les salutations soit détestable et qu'il convienne de le délaisser. Par exemple, on n'adressera pas as-salam à celui qui se trouve aux toilettes, en train de faire ses besoins. D'autant plus que si on lui adresse le salam, on le mettra alors dans une situation inconvenable étant donné qu'il ne peut pas répondre au salam, ni oralement, ni par un geste de sa main. Donc, dans cette situation, il sera détestable d'adresser as-salam. Et de la même manière, les gens de science ont mentionné qu'il ne convient pas d'adresser as-salam à celui qui est en train de lire ou de réciter le Coran, ou celui qui est en train de faire ses adhkar, ou celui qui est en train de sermonner les gens, ou celui qui est en train de faire al-adhan, ou autre situation semblable durant lesquelles la personne a une chose qui l'occupe et qui pourrait l'empêcher de répondre au salam. Et malgré ça, les gens de science ont dit que celui qui se trouve dans cette situation, par exemple celui qui lit le Coran ou qui fait du dhikr, et à qui on adresse salam, alors il devra tout de même répondre au salam. Car comme on va le voir après, la réponse au salam est une obligation. Et qu'en est-il de celui qui est aux toilettes? Il ne peut pas répondre. Alors dans cette situation, les gens de science ont dit que si lorsqu'il sort, la personne qui lui a adressé le salam est encore présente, il lui répondra. Et si elle n'est plus présente, alors il est excusé, inshallah ta'ala. Et une question se pose, qu'en est-il du salam adressé à celui qui prie? On a vu qu'il ne convient pas d'adresser le salam à celui qui lit le Coran, ou celui qui fait du dhikr ou autre chose semblable. Mais qu'en est-il de celui qui prie? Les gens de science ont mentionné que il n'y a pas de gêne à adresser à salam à celui qui fait la prière. Il est rapporté que les compagnons, radiyallahu anhum, adressaient as-salam au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils priaient et qu'ils leur répondaient par un signe de la main. L'imam al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit que l'on répond lorsqu'on prie au salam par ce signe de la main, en la levant, afin de faire savoir à la personne qu'on a entendu son salam et qu'on lui répond de cette manière. Mais il ne convient pas de lever la main excessivement, mais on fait simplement un geste léger de la main, en relevant légèrement la paume, afin de faire savoir à celui qui nous a adressé as-salam que l'on a pris connaissance de ses salutations. Et si, lorsqu'on termine la prière, la personne est encore présente, alors on lui répondra oralement. Mais si elle n'est plus présente, alors le signe sera suffisant, inshallah ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah, est passé à la question de la réponse au salam et à son jugement. Et il a dit, rahimahullah, وَإِذَا رَدَّ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَ مِنَ الْجُلُوسِ أَجْزَهَ عَنِ الْجَمَاعَ. Et si une personne du groupe, parmi ceux assis, répond au salam, alors ceci est suffisant pour le groupe. Donc répondre au salam, c'est une obligation. La preuve de l'obligation est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Et si on vous adresse une salutation, alors saluez d'une meilleure salutation ou, au minimum, rendez-la, rendez cette salutation. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans le tafsir de ce verset une parole que l'on rapporte d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, et qui est « Le salam est une chose surérogatoire et la réponse est une obligation. » C'est-à-dire, passer le salam, c'est une chose qui est surérogatoire, qui est recommandée. Et répondre au salam est une obligation. Ensuite, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a dit en annotation de cette parole, « Et ce qu'il a dit est la parole de l'ensemble des savants. La réponse est obligatoire à celui qui a adressé un salam. Et s'il ne le fait pas, s'il ne répond pas, il sera alors dans le péché, car il se sera opposé à l'ordre d'Allah dans sa parole. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Alors saluez d'une meilleure salutation, ou au minimum rendez-la. S'il ne répond pas au salam, il se sera opposé à l'ordre d'Allah. Donc ceci est une obligation. Et est-ce que cela est une obligation individuelle? La réponse est que si tu es seul, ou que as-salam t'est adressé à toi particulièrement, même si tu es dans un groupe, mais que quelqu'un t'adresse as-salam à toi particulièrement. Dans ce cas-là, répondre au salam est une obligation individuelle. Il est obligatoire pour toi de répondre, et si tu ne le fais pas, tu es dans le péché. Mais si tu es dans un groupe, et que as-salam est adressé au groupe, et non pas à toi particulièrement, alors si une seule personne du groupe répond, cela est suffisant, comme l'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala. Et on a mentionné le hadith, nous démontrant cela. Et il suffit pour ceux qui sont assis que l'un d'entre eux réponde. Et s'ils répondent tous, alors cela est meilleur et préférable. Et il y a deux points qui sont liés au salam ici, à mentionner, et qui concernent premièrement le fait que as-salam, il ne doit pas être adressé à voix basse, mais il est impératif de l'adresser à voix haute. Et le minimum est que tu te fasses entendre par celui à qui tu adresses as-salam, ou celui à qui tu réponds si on t'a adressé au préalable les salutations. Le minimum est que tu te fasses entendre. Si on ne t'entend pas, c'est comme si tu n'avais pas adressé as-salam, et comme si tu n'avais pas répondu, car l'objectif est d'échanger avec cette personne. La deuxième chose est que lorsque tu adresses les salutations, lorsque tu adresses as-salam, un signe de la main n'est pas suffisant. De nos jours, nombre de personnes sont éprouvées par cela. Ils se croisent et ils se contentent de se faire signe de la main, sans ne prononcer aucune parole. Et ceci est une erreur. Il est venu dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tusallimu taslim al-yahud wal-nasara, fa inna taslimahum bil-akuffi wal-ru'usi wal-ishara. » Ne vous adressez pas les salutations à la manière des juifs et des chrétiens, car ils se les adressent par les mains, la tête et les signes. Ils se font simplement des signes. Et ceci n'est pas suffisant, mais le salam, il doit avoir lieu oralement. Donc même si tu fais un signe, tu dois accompagner ce signe de ta prononciation du salam en disant « Assalamu alaykum » ou en répondant « Wa alaykum assalam » et ne pas te contenter d'un simple signe de la main ou de la tête. Bien sûr, cette interdiction, elle concerne celui qui est capable de parler physiquement et religieusement. Mais si la personne se trouve dans une situation où elle ne peut pas répondre, comme celui qui prie ne peut pas répondre oralement, donc dans ce cas-là, il va faire un simple signe. Ou celui qui est loin et qui ne peut pas se faire entendre. Il n'y a pas de gêne à ce qu'il fasse un signe. Il accompagnera tout de même ce signe du salam, même si la personne ne l'entend pas, comme l'ont mentionné certains parmi nos savants. Et également celui qui est muet. Il n'y a pas de gêne à ce qu'il adresse les salutations par un simple signe, car il ne peut pas parler. Et de la même manière également, si on adresse ce salam à une personne sourde ou malentendante. Il n'y a pas de gêne à lui faire un signe de la main. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Wasifatu salam, salamun alaykum, wasifatu radd, wa alaykum salam. » Et la description de « as-salam », c'est que tu dises « salamun alaykum ». On voit donc ici que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le mot « salam » de façon indéfinie, sans « alif lam » avant le mot. Et ceci est l'avis de certains savants, qui considèrent que lorsqu'on passe « as-salam », on le dit de façon indéfinie, en disant « salamun alaykum » et non pas « as-salam alaykum ». Et que lorsqu'on répond, on le mentionne de manière définie, et on dit « wa alaykum as-salam ». Et ce qui est juste concernant cette question est que les deux sont permis, c'est-à-dire qu'il est aussi bien permis de dire « salamun alaykum » que « as-salam » عليكم. Et la preuve est que les deux sont venus dans les textes. On trouve par exemple dans le Coran سلام عليكم بما صبرتم. Et on trouve aussi والسلام على من اتبع الهدى. Donc les deux sont venus dans les textes. Ceci nous indique la permission d'adresser la salutation des deux manières. Et lorsqu'on répond donc, on dira au minimum وعليكم السلام. Ceci est le minimum pour répondre à la salutation. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous indique que il est recommandé d'ajouter à cela. Il dit وَالزِّيَادَةُ الْمَأْمُورُ بِهَا الْمُسْتَحَبَّةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Et l'ajout ordonné à titre de recommandation est وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Donc cela signifierait السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Que le salut soit sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. C'est cela le sens de cette salutation en entière. Et cet ajout est donc légiféré lorsque tu adresses le salam ou lorsque tu y réponds. Et lorsque tu adresses le salam, cet ajout n'est pas obligatoire. La preuve est le hadith rapporté par Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, qui a dit qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Assalamu alaykum ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, puis cet homme s'assit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ashrun » 10, c'est-à-dire 10 hasanat, 10 bonnes actions pour cette salutation. Puis un autre est venu et a dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu, puis cet homme s'est assis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ishroun » 20, c'est-à-dire 20 hasana, 20 bonnes actions. Ensuite, un autre est venu et a dit « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, puis l'homme s'est assis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Thalathun », c'est-à-dire 30 hasana, 30 bonnes actions. Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas blâmé le premier lorsqu'il a dit « Assalamu alaykum », cela nous indique que ce qui vient après « wa rahmatullah wa barakatuh » est une chose qui est recommandé, qui n'est pas obligatoire. Et bien sûr, cela est plus complet et plus méritoire et plus grand en termes de récompense, comme vous venez de l'entendre. Plus tu en diras, plus tu seras récompensé. Ne te prive donc pas de ces simples paroles et de ces hasanats desquelles tu seras en grand besoin au jour de la résurrection. Pourquoi se priver de cela et dire simplement assalamu alaikum? Tu sais qu'en ajoutant simplement wa rahmatullahi wa barakatuh, tu as 20 hasanats en plus. Donc pourquoi s'en priver? Cela est meilleur et plus complet. Et bien sûr, si tu ne le fais pas, alors tu n'as pas de péché. Donc cet ajout est légiféré aussi bien lorsque tu passes à salam que lorsque tu y réponds. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَلَا يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ » Et il n'est pas recommandé d'ajouter à cela. C'est-à-dire qu'après « وَبَرَكَاتُ » il n'y a rien qui est recommandé d'ajouter. Comme le démontre la parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui a dit « As-salam s'arrête à la baraka », c'est-à-dire à la parole « wa barakatuh ». Et l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a été interrogé au sujet du salam complet et il a dit « wa barakatuh », c'est-à-dire qu'il termine par « wa barakatuh ». Et certains gens de science se sont appuyés sur certains hadiths qui sont rapportés sur lesquels les savants du hadith divergent concernant leur authenticité, dans lesquels est mentionné l'ajout wa maghfiratu. Si par exemple une personne t'adresse les salutations et te dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, afin de lui rendre une meilleure salutation, ils ont dit qu'il est légiféré de dire wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratu, ainsi que son pardon. Et ils ont dit que cela est recommandé se basant sur un hadith rapporté à ce sujet. Et comme je l'ai mentionné, ils ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. Et donc sur le jugement de cet ajout. Quoi qu'il en soit, si une personne considère que cet ajout est légiféré se basant sur les paroles des gens de science ayant stipulé cela, alors nulle gêne à elle et elle ne doit pas être réprimandée. Mais ce qui paraît être le plus juste est ce que vous venez d'entendre dans la parole de l'auteur et la parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'il n'est pas recommandé d'ajouter à cela. Et ils ont mentionné que les hadiths mentionnant l'ajout wa maghfiratu ne sont pas authentiques, wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit: wa yustahabbu lil musallim an yaqtasira ala qawl سلام عليكم ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها وهي قوله وبركاته. Il est recommandé pour celui qui adresse as-salam de s'arrêter à la parole salamun alaykum wa rahmatullah, c'est-à-dire de ne pas dire wa barakatuh, et ce afin de laisser à celui qui répond l'ajout qui est ordonné et qui est la parole wa barakatuh. Puis il a mentionné le verset bi ahsana minha aw rudduha. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, il dit ici que lorsque tu adresses as-salam, il est selon cet avis recommandé de s'arrêter à wa rahmatullah et de dire assalamu alaykum wa rahmatullah et de ne pas dire wa barakatuh afin que celui qui te répond puisse se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné dans le verset qui est de répondre par une meilleure salutation et qui puisse te dire wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ceci est un des avis sur cette question. Mais ce qui est juste à ce sujet et qu'il est plus complet et plus méritoire d'adresser as-salam dans sa totalité. Comme le démontre le hadith que l'on vient de mentionner, le hadith de Imran, qu'un homme est venu et a dit au prophète « As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh » et il a mentionné qu'il avait 30 hasana, 30 bonnes actions. Donc ceci nous indique que cela est d'autant plus recommandé. Et celui qui nous répond nous répondra par « Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh » et il aura fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans ce verset. Rendre cette salutation. Et nul gêne à lui en cela. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَإِذَا سَلَّمَ ثُمَّ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ شَجَرَةً أَوْ جِدَارٍ ثُمَّ الْتَقَوْ عَادَتْ سُنَّةُ السَّلَامِ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَرَضِيَ عَنْهُمْ. Et lorsqu'il adresse les salutations, puis que s'interpose entre lui et celui à qui il a adressé le salut, un arbre ou un mur, puis qu'il se retrouve à nouveau, alors la sunna de s'adresser à salam revient. Elle est de nouveau légiférée. Et c'est ainsi que faisaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, et qu'il les agrée. En effet, d'après Anas, radiyallahu anhu, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils marchaient et qu'ils faisaient face à un arbre ou à un obstacle, ils se séparaient à sa droite et à sa gauche. Puis lorsqu'ils se retrouvaient après cet obstacle, ils s'adressaient à nouveau à salam. Ils s'adressaient mutuellement à salam. Et dans un autre hadith, rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous rencontre son frère, qu'il lui adresse à salam, et s'il s'interpose entre eux un arbre, un mur ou un rocher, puis qu'il le rencontre à nouveau, alors qu'il lui adresse aussi as-salam. » Et ceci n'est qu'une augmentation de bien et de hasanat, incha'Allah ta'ala. Et de la même manière, si tu sors d'une pièce et que tu entres à nouveau dans cette pièce, il est recommandé d'adresser à nouveau as-salam. Et as-salam, il ne s'adresse pas une seule fois dans la journée. Ce n'est pas parce que tu as déjà vu une personne que tu ne vas pas lui adresser à nouveau as-salam. Il y a des personnes parfois qui se lassent. Ils te croisent par exemple en arrivant à la mosquée, puis lorsque tu sors, tu lui adresses à nouveau as-salam. Et c'est comme s'il était gêné par cela. Comme s'il voulait te dire, mais on s'est déjà vu avant la prière. Il n'y a pas de gêne. Même si on s'adresse as-salam 50 fois dans la journée, il n'y a pas de gêne en cela. Ce n'est qu'une augmentation de bien et de hasanat, incha'Allah ta'ala. Après cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé la question des salutations adressées aux femmes. Donc tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, comme politesse liée aux salutations, cela concerne les hommes entre eux et également les femmes entre elles. Et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes à ce sujet. Et également cela concerne les maharim, c'est-à-dire l'homme avec son épouse, sa mère, ses sœurs, ses filles, et ainsi de suite, et la femme avec ses maharim, avec son époux, son père, ses frères, ses oncles, et ainsi de suite. Toutes les politesses que l'on vient de voir sont légiférer dans ce cadre-là, incha'Allah ta'ala. Mais entre les hommes et les femmes étrangers, alors le jugement n'est pas le même. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposé cela, et il a fait la différence, comme on va le voir, entre as-salam adressé aux jeunes femmes et celui adressé aux femmes âgées. Il a dit, rahimahullah, « وَيُكْرَهُ as-salam à la Shawab al-Nisa. Et il est détestable d'adresser as-salam aux jeunes femmes. فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْلُبُ جَوَابَهُنْ Car ceci va les mener à répondre. وَسِمَعْ أَصْوَاتِهِنْ Et à écouter leur voix. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que cela est détestable car si l'homme adresse as-salam à une jeune femme, cela va la mener à répondre. Et donc il va entendre sa voix. Et il dit وَعَسَاهُ يَجْلُبُ الْفِتْنَةِ Et il se peut que cela mène à la tentation. وَكَمْ مِنْ سَوْتٍ جَرَّ هَوَى وَعِشْقًا Et combien de voix ont mené aux passions et à l'amour passionnel, à l'attachement du cœur. Il est donc détestable pour l'homme d'adresser as-salam à une jeune femme qui lui est étrangère, qui ne fait pas partie de ses maharim. Saleh, le fils de l'imam Ahmed, rahimahumallahu ta'ala, a dit à ce sujet, « J'ai interrogé mon père. » Est-ce que l'on adresse as-salam à la femme? Il répondit, quant à celle qui est âgée, il n'y a pas de mal. Et quant à la jeune, alors on ne la fait pas parler, c'est-à-dire on ne la pousse pas à parler. Car en lui passant as-salam, on va la pousser à s'exprimer et à répondre au salam. Et les gens de science ont mentionné que si un homme adresse as-salam à une jeune femme, alors celle-ci ne lui répond pas. Et ce afin de repousser les méfaits auxquels peuvent mener cela. Et de la même manière, si une jeune femme adresse as-salam à un homme, alors il ne lui répond pas en raison des méfaits vers lesquels cela peut mener. Et dans notre religion et notre législation, toutes les portes menant à la tentation et au péché ont été soigneusement fermées. Et c'est cela qui est attendu et demandé de toute personne qui recherche le salut et la préservation dans son honneur et dans sa religion. L'homme n'adresse pas as-salam aux jeunes femmes. La jeune femme n'adresse pas as-salam aux hommes. Et si l'un d'entre eux adresse as-salam à l'autre, alors le second ne répond pas. Car tout cela est détestable et mène à la fitna, mène à la tentation. Et en disant cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a fait allusion à une question très importante qui concerne la voix de la femme. Il a dit que ceci mène à la tentation. Le fait qu'elle soit menée à parler et que l'homme entende sa voix. Et est-ce que cela signifie que la voix de la femme est une aura, une chose qu'elle ne doit pas dévoiler? Les gens de science ont divergé à ce sujet. Certains ont dit que la voix fait partie de la aura et que ne lui est permis de la dévoiler que en cas de contrainte, de force majeure ou de nécessité. Et d'autres ont dit que sa voix n'est pas une aura. Toutefois, les deux groupes sont unanimes pour dire que même si sa voix n'est pas une aura, celle-ci est une fitna, c'est-à-dire une source de tentation. Et la base est que la femme n'a pas à se faire entendre si ce n'est en cas de besoin. Et méditez sur nombre de règles religieuses de notre noble législation. La femme, par exemple, il n'est pas légiféré pour elle de faire al-adhan ni al-iqama. Elle ne fait pas d'appel à la prière. Ne fait pas entendre sa voix. Également, si elle prie en groupe derrière l'imam à la mosquée et que l'imam se trompe dans la récitation, dans la prière, les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'avertir en disant « Subhanallah ». Et la femme, qu'est-ce qui est légiféré pour elle? De taper avec sa main. Elle tape sur sa main. Et elle ne dit pas « Subhanallah ». Pourquoi? Afin de se préserver, de préserver sa personne, de préserver son honneur et de s'éloigner de toute tentation. Donc si l'on sait cela, que dire de ces femmes aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme ainsi qu'elles, qui vont s'exposer, et ne pas seulement exposer leur voix, mais aussi exposer leur corps, sur les réseaux sociaux, en vidéo ou autre, sous prétexte de prédication et d'enseignement ou d'appel à la religion, pensant ainsi être sur une voie de bien, wallahu al-musta'an. Ces personnes-là doivent donc être rappelées à l'ordre. Et elles ne doivent pas être soutenues ni suivies, car en les suivant, ou en les écoutant ou en les regardant, vous leur donnez de l'audience et contribuez de manière directe ou indirecte à ce qu'elles continuent sur cette voie qui est une voie erronée. Donc ceci était une courte parenthèse à ce sujet. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَامِ عَلَى الْعَجَائِزِ وَالْبَارِزَاتِ لعدم الفتنة بأصواتهن. Et il n'y a pas de mal à adresser as-salam aux femmes âgées et aux femmes barizat. Et on va expliquer le terme al-barizat, inshallah, en raison de l'absence de tentation découlant de leur voix. Donc concernant la personne âgée, il n'y a pas de doute que sa situation est différente que celle de la jeune femme à ce sujet. C'est pour cela que les gens de science ont mentionné qu'il n'y avait pas de mal à échanger avec elle les salutations. Toutefois, ils ont quand même précisé qu'il est conditionné l'absence de fitna. Et certains ont même mentionné que il n'y a pas de mal en cela, à condition que cette femme ne soit pas belle et attirante. Car en présence de la tentation et de la fitna, alors ceci revient au jugement de base qui est que cela est détestable afin de repousser les méfaits vers lesquels cela pourrait mener. Ensuite, il dit également qu'il n'y a pas de mal à adresser le salut aux femmes barizat. Et ce mot-là a été expliqué de plusieurs manières. Certains ont dit c'est celle qui n'est pas désirée. D'autres ont dit c'est la femme d'un âge mûr qui ne se voile pas comme se voilent les jeunes femmes. Et d'autres ont dit c'est la femme qui sort pour différents besoins, comme celle qui sort en l'absence de mahram pour s'occuper d'elle, pour vendre, pour acheter, ou autre chose semblable, tout en étant chaste et pudique et à l'abri de toute tentation. Il nous dit donc qu'il n'y a pas de gêne à adresser as-salam à cette catégorie de femmes, et il dit وَلِأَنَّ الْبَرْزَ تَحْتَاجُ إِلَى السَّلَامِ عَلَيْهَا وَرَدِّ سَلَامِهَا وَلِلْحَاجَةِ تَأْثِيرٌ بِذَلِكَ. Il dit car cette femme, elle a besoin qu'on lui adresse as-salam et qu'on lui réponde. Et le besoin influe sur le jugement. Et qu'est-ce qu'il entend par cela ? Il entend par cela que cette femme, en raison de cette sortie à laquelle elle est contrainte, elle va se retrouver dans une situation où elle va devoir échanger avec certains hommes étrangers. Donc dans cette situation, il n'y aura pas de mal à lui adresser as-salam et à répondre à son salam. Prenons l'exemple, dans de nombreux endroits, des administrations par exemple, où l'homme se rend et va trouver, à de nombreux guichets, des femmes qui y travaillent. Il y aura donc dans cette situation le besoin de leur adresser à salam afin d'échanger pour la raison qui le mène à cet endroit. Et inversement, si elle lui adresse à salam, il va alors lui répondre. Et de la même manière, l'homme qui se trouvera à ce guichet, si une femme, se rend à ce guichet. Et ceci n'est pas compris par ce que l'on vient de mentionner précédemment. Et le cheikh, rahimahullah, il appuie la permission du salam dans ces situations en mentionnant le fait que, dans certains cas, il est même permis de regarder le visage de la femme. Et il dit لِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَ لِلشَّاهِدِ. En raison de la permission de regarder le visage de la femme pour le témoin, celui qui va être amené à témoigner concernant une affaire liée à cette femme. Il se peut qu'il soit amené devant le tribunal à regarder son visage en raison du besoin. Il dit لِيَحْفَظَ الْحِلْيَ, pour garder ses bijoux. فَيُقِيمُ الشَّهَادَ. Alors il va établir un témoignage. En effet, à cette époque, il y avait certaines personnes qui étaient chargées de garder les objets de valeur à l'exemple des bijoux. Et les femmes se rendaient auprès de ces personnes pour y déposer leurs bijoux et il y avait la nécessité de voir qui est cette femme afin de pouvoir la reconnaître lorsqu'elle viendrait récupérer ses bijoux. Il dit « وَكَذَلِكَ الصَّائِرْ وَالْمَغَازِلِي » Et de la même manière, as-sa'ir, qui est celui qui travaille l'or et le transforme en bijoux, et al-marazili, celui qui file le coton. Wa kullu man tu'amiluhu an-nisa min arbab at-taja'iri was-sana'i. Et tous ceux avec qui les femmes ont des échanges parmi les producteurs ou les commerçants. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'en raison de ces échanges, il se peut qu'il y ait parfois besoin que ces hommes voient qui est cette femme afin de pouvoir la reconnaître. Et d'autres savants ont dit que le regard reste interdit en raison de la généralité des preuves à ce sujet, c'est-à-dire les preuves démontrant l'obligation pour la femme de se voiler intégralement et les preuves démontrant l'obligation pour l'homme de baisser le regard. Et cela est ce qu'il y a de plus juste sur cette question. Et d'autant plus à notre époque où nous avons des moyens nous permettant de nous passer du regard, comme pour reconnaître une personne il est possible de le faire à travers d'autres moyens. Mais s'il y a un besoin réel, comme pour un témoignage devant un tribunal, ou alors en cas de contrôle comme aux frontières, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ تَعْلِيمًا لَهُمْ لِلْأَدَبِ وَتَحْبِيبًا لِحُسْنِ الْخُلُقِ وَتَدْرِيبًا وَتَمْرِينًا عَلَى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ » Il n'y a pas de mal à adresser as-salam, à adresser les salutations aux enfants, afin de leur enseigner la politesse, de leur faire aimer le bon comportement et les habituer et les éduquer au bon savoir-vivre. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il n'y a pas de mal en cela en raison de tous les intérêts que cela comporte. Et ce qui est juste à ce sujet est que cela est même recommandé. En raison du hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, d'après Anas, radiyallahu anhu, qui a dit qu'il marchait avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il passa devant des enfants, et qu'il leur adressa alors les salutations, il leur adressa alors as-salam. Donc ceci est recommandé, d'adresser as-salam aux enfants, pour tous les bénéfices que cela comprend, mentionnés par l'auteur. Le fait de leur enseigner, c'est politesse. Ne te dis pas, il est petit, il ne comprend pas. Ou, ne t'enorgueille pas en te disant, c'est à lui de me passer as-salam, c'est lui le petit. Non, enseigne-lui, apprends-lui. Adresse-lui as-salam. Fais-lui aimer ce bon comportement et habitue-le à ses politesses et à ce noble savoir-vivre. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a terminé ce chapitre en disant « وَيُسْتَحَبُّ السَّلَامُ عِنْدَ الْإِنْصِرَافِ كَمَا يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الدُّخُولِ » Et as-salam est recommandé, les salutations sont recommandées lorsque tu quittes un endroit de la même manière qu'il est recommandé lorsque tu entres. La preuve à ce sujet, le hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que lorsque l'un d'entre vous se rend dans une assise, qu'il adresse as-salam, qu'il salue. Et lorsqu'il veut se lever, c'est-à-dire pour partir, alors qu'il salue. Car le premier, c'est-à-dire le premier salut, n'est pas plus légitime que le dernier. De la même manière que tu as salué en arrivant, tu salues en partant. Et ce qui est visé par sa parole, le premier salut n'est pas plus légitime que le dernier, c'est-à-dire que, de la même manière qu'en adressant as-salam en arrivant, en disant as-salamu alaykoum lorsque tu arrives, tu informes que les gens de cette assise sont à l'abri de ton mal. As-salamu alaykoum, je suis venu en paix, que le salut soit sur vous. Donc, ils sont à l'abri de ton mal durant ta présence. De la même manière, lorsque tu pars, tu leur indiques cela et tu leur dis as-salamu alaykoum, que le salut soit sur vous, que la paix soit sur vous, que la préservation soit sur vous. Tu leur indiques qu'ils sont préservés de ton mal, même lorsque tu seras absent. Tu ne vas pas leur causer de tort ni de nuisance. Et le fait de les préserver de ton mal lorsque tu es présent n'est pas plus légitime ni plus méritoire que le fait de les préserver de ton mal lorsque tu es absent. Et il y a en réalité en cela de nombreux bénéfices que nous ne pourrons pas ici mentionner par manque de temps. Wallahu al-musta'an. Mais ceci nous indique que la personne, elle doit veiller à avoir un bon comportement à l'égard des gens, à les préserver de toute nuisance, devant eux, mais aussi derrière eux. Pas seulement lorsque tu es devant eux. Le bon comportement, ce n'est pas seulement lorsque tu es devant les gens, mais également lorsque tu es loin d'eux. Préserve-les également de ton mal en leur absence. Écarte-toi de la médisance. Écarte-toi de la calomnie. Écarte-toi du colportage. Et ainsi de suite, parmi les méfaits de la langue ou autres nuisances qui peuvent être causées aux gens en leur absence. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, termine et dit « Wad-dukhul » أشد استحبابا. Et l'entrée, c'est-à-dire le salam, lorsque tu entres, est bien plus recommandé. C'est-à-dire qu'il est plus recommandé que lui lorsque l'on part. Et ils ont mentionné comme preuve de cela la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission et de saluer leurs habitants. Donc ceci nous indique l'ordre de demander la permission et de saluer avant d'entrer dans une maison. Et ceci a lieu en disant « Assalamu alaykoum a atrol »« Assalamu alaykoum, puis-je entrer ?» comme cela est venu dans certains hadiths. On a donc terminé ce chapitre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et on commencera, inshallah ta'ala, le chapitre suivant dans le cours prochain qui concerne